Appel manqué, message vu, les mots sont crus, mais t'as tenté. Appel manqué, message vu, les mots sont crus, mais t'as tenté. Appel manqué, message vu, les mots sont crus, mais t'as tenté. Mais qu'est-ce que j'en sais, où t'étais, ce que tu faisais quand je te laissais. Mes rêves dans les airs, donc je tire en l'air, sans atmosphère. T'es dans ma sphère, t'es dans ton fer, tu fais le fier, mais c'est tes potes qui vont te faire. Je veux la villa, je veux les vagues, avec une putain de vue sur ma mère. Tu dis que tu m'aimes, tu sais pas le faire. Tu dis que tu m'aimes, tu sais pas le faire. Faudrait que je fais la belle, que je me la pète, rien à prouver. Mais je pars de R, j'ai fait la guerre pour avoir la paix. Ma haine et moi, on fait la paire. Jette-moi la pierre, j'ai connu le pire. Je veux pas leur plaire, à quoi ça sert. J'ai un souvenir, après un verre. Je suis défoncée, tes yeux dans mes bras, je veux plus y penser. J'oublie car j'essaie de penser mon passé. C'est pas si rose, non, les fleurs ont fané. Je fais qu'y penser. Appel manqué, message vu, les mots sont crus, mais t'as tenté. Appel manqué, message vu, les mots sont crus, mais t'as tenté. Appel manqué, message vu, les mots sont crus, mais t'as tenté. Mais que j'en sais, où t'étais, ce que tu faisais quand je te lissais. Cœur et la CB a découvert, de sentiments, de billets verts. Je fume mes joies, mes songes qui s'enterrent. Putain, j'sais même plus quoi faire. Tu sais, mes émotions sont instables, tes je t'aime sont pas palpables. Cimetière de mes goûts sur la table, j'm'efface comme initiale sur le sol. Mes parents libérés, mes démons, me sentir en vie, c'est ce que je demande. Le passé me suit plus que mon ombre. J'aimerais qu'ils finissent ensemble. Sors de ma vie, rends-moi service. J'ai pas de millions, pas de certif. J'ai les actes et toi t'as la salive. Je fais pas la fête même le jour de mon anniv. Non. Tes yeux dans mes bras, je veux plus y penser. J'oublie car j'essaie de penser mon passé. C'est pas si rose, non, les fleurs ont fané. Je fais qu'y penser. Appel manqué, message vu, les mots sont crus, mais t'as tenté. Appel manqué, message vu, les mots sont crus, mais t'as tenté. Appel manqué, message vu, les mots sont crus, mais t'as tenté. Mais que j'en sais, où t'étais, ce que tu faisais quand je te lissais. Prisonnier d'un regard qui n'est pas le tien. J'ai vu ce qui t'aimait, t'as pas su faire le lien. La bouteille est vide, il n'est même pas midnight. J'oublie nos souvenirs quand je rallume ma light. Appel manqué, message vu, les mots sont crus, mais t'as tenté. Appel manqué,